بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نمير الساز طغب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، إن شاء الله نراجع شيئا من أبيات المنظومة، يعني certains vers de cette poésie là. قال رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزول الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيل الحل، ففهم هداك الله من يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجي صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودا الرحمن، لكن مع التلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشر الشريف لم يحد، معاج المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حمرانه. نعم، هذه هي الأبيات التي سبق معنا البيان، في ce qu'on a pu voir jusqu'à présent des vers de cette excellente poésie du mu'allif Cheikh Sa'di alayhi rahmatullah. Parmi les qawa'id qu'on a pu voir dans le cours dernier, tamam, on a pu voir que la qa'ida, يعني ou qui peut nous expliquer معنى هذا البيت، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. Qui peut nous expliquer en quelques mots يعني le sens de ces vers là. Si quelqu'un de vous se rappelle, ou sinon, je donne la réponse. Et si vous ne savez pas, marquez. Allahu a'lam. Ala kulli hal. Le sens de ce vers-là, c'est que yani al-urf wal-'ada, c'est-à-dire l'habitude et la coutume, tamam, ce sont des choses qui sont prises en considération dans la religion. Lorsque il y a un jugement dans l'islam qui n'est pas défini, ça c'est le ma'na de ce bayt-là. Lorsqu'un jugement dans l'islam n'est pas défini, ça ne veut pas dire que l'islam y renvoie tamam, l'ibad à faire selon leur envie, selon leur passion. Tamam, le hukm, le jugement n'est pas défini. C'est pas pour cela, c'est pas pour autant que chacun, tamam, il fait un effort de lui-même et il définit le jugement, tamam, qui n'a pas été défini de sa manière. Là, dans ce cas-là, il faut revenir à l'habitude et à la coutume. Tamam, on a pu évoquer des adillah parmi le kitab et la sunnah qui prouvent la véracité de cette qa'ida qui est plus connue auprès des ulama de al-usul, bi an al-'ada wal-'urf muhakkama. C'est-à-dire qu'ils sont pris en considération l'habitude et la coutume lorsque un jugement dans l'islam n'est pas défini, il n'est pas proprement défini. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, ou plutôt il est dit dans ce verset-là, yani, pardonne et prends en considération l'urf, la coutume. Donc ça c'est une ayah qui nous prouve la véracité de cette qaïda là. Kazalika, al-hadith, comme on a pu le voir, Hind, naham, zoujati, naham Abi Sofyan, radiallahu anhuma, lamma jati la nabi sallallahu alayhi wa sallam, tashtaki min Sofyan, min Abi Sofyan, anahu rajulun shahih, la yu'ti laha wala li waladiha ma takfiha, ou ma takfihuma. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تمام. Lorsque elle s'est plaint au prophète sallam que son mari Abu Sofyan ne dépensait pas ce qu'il fallait pour elle, parmi les choses qui sont obligatoires à Abu Sofyan de dépenser pour sa famille et son enfant. Donc elle s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit prends ce qu'il te suffit, tamam, pour toi et ta, ton enfant dans le convenable. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé d'un jugement qui n'a pas proprement lui-même défini, c'est-à-dire il n'a pas dit prend, il n'a pas dit prend 100 dollars, il n'a pas défini la somme d'argent. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la hada, à la coutume. À la hada et à la coutume. Et on a pu voir qu'à Zalika, il y avait une différence entre la hada et la naham al-urf. La hada ou l'urf. On a pu voir que la hada, c'est plus global que l'urf, que l'habitude. Pourquoi? Parce que l'urf, ça peut être une chose qui est habituelle, laquine qui est particulière à une personne. Quelqu'un qui a une habitude lorsqu'il se lève, il y en a de faire une chose bien particulière, laquine, qui n'englobe pas la majorité de la communauté ou bien la totalité. Ensuite, on a pu évoquer que, amma la hada, pour revenir, la hada, et bien la hada, elle, il y en a la bouddha, que ce soit une chose qui englobe la totalité de la partie de la communauté ou bien une grande majorité. La définition de la hada, et c'est même une condition aussi kadhalika, c'est qu'elle ne vient pas en opposition avec un dalil du kitab ou bien de la sunnah. À partir du moment où, même si jamais ces choses-là, elle est habituelle et coutumière chez les gens, et qu'elle contredit le kitab et la sunnah, c'est pas pris en considération comme une hada, comme une habitude qui est considérée dans l'islam, dans laquelle on peut revenir pour définir les jugements qui sont indéfinis. Donc il faut que, awalan, ça ne va pas à l'encontre du kitab et la sunnah. Saniyan, il faut que ce soit une chose qui est ram, qui touche là, qui est connue, qui est coutumière, habituelle chez la majorité ou bien la totalité de la communauté. Troisième, il faut que ça soit une chose qui ne soit pas nouvelle, une chose qui soit bien connue auprès de tous, même si jamais c'est une coutume qui est connue chez deux ou trois personnes. Elle n'a pas eu le temps de s'instaurer cette ada-là, il faut qu'elle soit connue. Pour qu'on puisse revenir à ce jugement-là, pour définir un jugement indéfini, il faut qu'elle soit connue et propagée au sein de la communauté. Ça, c'est ce qu'on avait pu évoquer. Il y en a parmi les conditions afin que la ada soit prise en considération pour définir un jugement qui a été indéfini dans le kitab ou bien dans la sunna. Ça, c'est ce qu'on avait pu évoquer. Ensuite, on avait pu évoquer la deuxième qaïda, yani muhaj al-mahdhur qabla anihi, que yani yu'aqab bi naqid qasdihi, celui qui s'empresse par un intermédiaire qui est haram de mettre la main sur une chose qui est autorisée, laquine, il a pris l'intermédiaire qui est haram, même avant son heure, ils ont dit qu'il sera rétribué par l'inverse de son intention. On a pu voir que cette qaïda-là, c'est pas vraiment une qaïda. Les ulama, ils ont divergé au sujet de cette qaïda-là, mais ils ont dit, vu qu'il y a beaucoup d'exceptions qui ont été observées à cette qaïda-là, on ne peut pas dire que c'est une qaïda. Parce qu'une qaïda, pour qu'elle soit une qaïda, il faut que les exceptions soient infimes, ou bien qu'elles soient exemptes. À partir du moment où elles sont nombreuses, ou bien qu'elles sont majoritaires, on ne peut plus appeler ça comme une qaïda. On ne peut plus appeler ça une qaïda. Et on juge, il y en a selon les cas, même si jamais le. Chaque cas, yani, il sera pris à part. On va le juger à part. Ils ont évoqué, pour exemple pour cela, celui qui tue, maintenant, la personne qui. Il peut hériter d'une personne, laquine, avant son heure, il tue cette personne-là afin d'hériter, d'hériter de cette personne-là. On a pu voir que ça, il a pris une voie qui est haram pour mettre l'argent sur un bien qui lui est autorisé, laquine, avant son heure. Donc il sera. Si on connaît la niya de cette personne-là, il y a un rétribué par l'inverse de son intention, c'est-à-dire qu'on va lui priver de cet héritage-là. Et qu'à l'écart, on a pu évoquer des exemples qui montrent que cette qaïda-là, elle a un défaut. Celui, maintenant, qui, on avait dit, il se casse volontairement la jambe afin de ne pas assister au salat al-jama'a, ou bien de prier debout. On ne va pas lui dire, yani, tu as voulu ruser, donc on va te rétribuer par l'inverse de ton intention, prie debout et va à la jama'a, va à la mosquée. Là, on lui dit, yani, tu as voulu faire ça et tu auras un péché par rapport à ta mauvaise action. Donc il y a plein d'exemples qui montrent qu'il y a un défaut dans cette qaïda-là pour qu'on dise que ce soit une qaïda. Et ensuite, on avait pu voir que nahi, l'interdiction, si jamais elle est liée proprement à une adoration, si elle est attelée à cette adoration, si jamais la personne elle le perpétue, ça va annuler directement son adoration. Mais si jamais c'est un interdit qui est global, qui n'est pas forcément lié et propre à cette adoration-là, eh ben, ça ne va pas annuler l'adoration, lakin, ça va diminuer la récompense de l'adoration de cette personne-là. On a pu citer par exemple la salat. An-Nabi Sallam, il a interdit la prière dans les heures qui sont détestables. Celui qui prie après Al-Fajr, avant Shuruq, il n'a aucune raison pour cela, il veut faire des prières surrogatoires, sa prière ne sera pas acceptée. Pourquoi ? Parce que le prophète Sallam, il a interdit de prier dans ces heures-là. Donc le fait de prier dans ces heures-là, ça va annuler ta prière. Pourquoi ? Parce que tu as fait un interdit, tu as commis un interdit qui est lié directement à cette adoration-là. Kazalika siyam, celui qui jeûne yom al-Eid, An-Nabi Sallam, il l'a interdit. Celui qui jeûne yom al-Eid, c'est interdit. Le fait que tu jeûnes, en ce jour-là, tu auras commis un péché et ton adoration-là, elle sera quoi ? Annulée. Pourquoi ? Parce que tu as commis une interdiction qui est liée proprement à cet acte d'adoration. Et on a pu citer l'exemple qui montre que ça diminue. Celui qui prie avec de la soie, mathalan, la soie c'est interdit. Pour les hommes, c'est interdit. Pour les hommes, celui qui prie avec de la soie, on ne va pas dire que sa prière elle est annulée. Pourquoi ? Parce que la soie, le fait de le porter, c'est un interdit qui englobe toutes les situations. Ce n'est pas forcément lorsque tu es en prière. Donc ça va diminuer la récompense de ton adoration et pas l'annuler. Donc farqun, une différence entre l'interdiction qui est liée directement à l'adoration et l'interdiction qui n'est pas liée directement à l'adoration. L'une annule et l'autre diminue la récompense. Ça c'est ce qu'on a pu voir en gros sur les qawaid qu'on a pu évoquer la dernière fois. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومتلف مذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي يحسن. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنه ذكر ذلك dans ce بيت là une nouvelle qaida qui a pour sens yani les termes de ce vers là ont pour sens que la personne qui dégrade une chose en vue de se préserver du mal de ces choses-là, eh ben, il ne va pas devoir dédommager la chose qu'il a abîmée, qu'il a cassée, il a khérihi. Pourquoi ? Parce qu'il a fait cela afin de préserver sa vie. Hada, c'est la ma'na de la qa'ida. Wa mutlifun mudhihi laysa yadmanu, celui qui détériore une chose qui va lui apporter une nuisance, laysa yadmanu, c'est-à-dire qu'il ne va pas dédommager. Ba'da difa'a billati hiya ahsanu, après qu'il s'est défendu de la manière qui est ahsan, qui est bonne. Parce qu'on a pu voir que celui qui dégrade une chose, il y en a auparavant, dans les qawa'id, que celui qui dégrade une chose, il doit, si jamais il ne l'a pas fait volontairement, il n'aura pas de péché, lakin il doit dédommager. Lakin lorsque il va détériorer une chose afin de préserver sa vie, à ce moment-là, il n'aura pas à dédommager cette chose-là qu'il aura dégradé, qu'il aura abîmé. Pourquoi ? Parce qu'il préserve sa vie pour cela. Une chose qui va le nuire. Pourquoi ? Car, comme l'a évoqué notre cheikh Saïd ibn Da'as, rahimahullah ta'ala, il a dit لأن من أتلف شيئا لدفع شر ou plutôt يعني ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. Lorsque la religion t'autorise de détériorer une chose, te donne l'autorisation de le faire, à partir du moment où tu as donné l'autorisation, tu n'as pas à dédommager les dégâts qui vont suivre cela. On prend un exemple afin que ce soit plus concret et plus clair. La personne qui se fait agresser, il vient, il se fait agresser. On veut lui prendre son argent, il a khiri ou un bien qu'il a, il se défend. Lorsqu'il s'est défendu, ça a amené à ce que maintenant, il a cassé la dent de cette personne-là. Ou lorsqu'il s'est battu avec lui, il s'est défendu, il lui a cassé son portable, lui a cassé un bien à cette personne-là qu'il a agressé, cet agresseur-là. On ne va pas dire que cette personne-là, il doit dédommager la dent qu'il a cassée, ou bien dédommager un membre de l'agresseur qu'il a cassé, ou bien un bien qui était en possession de cet agresseur-là, son portable, il a khiri. On ne va pas lui dire que tu dois dédommager. Pourquoi ? Parce que là, il était dans un stade où il s'est défendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Allah Azza wa Jalla dans cette ayah-là, il autorise celui qui se fait agresser à répondre, à riposter de cette agression. Donc si jamais ça amène que tu détériores une chose, tu ne dois pas la dédommager. Pourquoi ? Parce que l'islam il t'a autorisé de te défendre. Donc tout ce qui en suit comme détérioration, qui sont la cause pour que toi tu te défends, c'est pas pris en considération, tu dois pas dédommager. Wal-adilla fi dhalika, comme on a cité, qalu subhanahu wa ta'ala, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum wattaqullah. Celui qui vous agresse, rendez-lui l'appareil de la même manière qu'il vous a agressé, que ce soit par la parole ou bien par, directement par les actes. Et Allah il dit à la fin du verset, Wattaqullah, c'est-à-dire ne dépassez pas, ne transgressez pas. Si jamais tu as suffisamment fait les causes pour te défendre de cette personne-là, tu l'as mis à terre, tu t'es vu préservé de son char, khalas, yani, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ta vie elle est préservée, tu n'as plus à rajouter, la personne est à terre, tu ne vas pas la finir, tu as même un coup de pied et la khalihi, khalas, yani, tu as fait les causes pour te défendre, ittaqullah, tu dois craindre Allah Azza wa Jalla et pas continuer à le tabasser et la khalihi, tu dois t'arrêter à partir du moment où tu as fait la cause qui a fait que tu as repoussé son mal et son agression. وكذلك الحديث الذي نعم جو بده يقعد لكن في السنن المعروف تمام وفي مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت لو ان رجلا يريد اخذ مالي vois-tu si une personne vient et veut m'agresser prendre mon argent فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي ne lui donne pas ton argent فقال ارايت ان قاتلني il dit vois-tu si jamais se met à m'agresser تمام قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله défends-toi قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أرأيت إن قتلني que dis-tu si jamais يعني son agression a fait que نعم il a mis fin à ma vie تمام il m'a agressé il m'a pris mon bien il m'a tué فقال أنت شهيد تمام فقال أرأيت إن قتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار تمام il a dit et qu'est-ce qu'il en est si jamais c'est moi qui me défends et ça amène à ce que je l'ai tué Et Nabi Sallam, il a dit, il est dans l'enfer. Parce que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a transgressé, c'est lui l'agresseur. Donc toi, tu n'as rien. Nabi Sallam, il a bien montré cela. Parce que normalement, si une personne qui tue une autre, il doit déverser le sang. Il y a un jugement qui en suit. Il y a un jugement qui en suit. L'islam, il est venu, et là, autorisé à celui qui se fait agresser, même de prendre quoi ? De repousser ce mal-là, du mieux qu'il peut. Fadizale kaqal al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Si jamais tu as la capacité de repousser ce mal-là, cette agression, par tes mains, sans forcément prendre le biais des armes et la khiri, tu ne dois pas faire cela. Si jamais tu as juste à le pousser pour que ça suffit, hein, pour que tu repousses ton agression-là, le moindre des actes par lequel tu peux te permettre de repousser cette personne-là, tu dois le prendre. Et pas prendre même l'acte qui est le plus violent pour repousser le mal de cette personne-là. Billati yahsanu. Tu y vas par échelon. Si jamais tu peux repousser par tes mains, tu n'as pas à prendre un couteau et la khirihi. Et là, ça c'est la ma'ana de cette qaïda-là. C'est la ma'ana de cette qaïda. C'est une qaïda qui est barakallahu fikoum, yani kulliya. Chaque fois que tu auras dédommagé une chose dans laquelle l'islam t'a donné l'autorisation de détériorer, eh ben, tu n'as pas à barakallahu fikoum, tu n'as pas à dédommager. Et Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, il a évoqué dans les cas où la personne qui dédommage une chose, il n'a pas à dédommager l'autre personne. Il a évoqué pour cela trois cas dans lesquels ils ont réuni dans un verre. Et Cheikh Al-Uthaymin, il a un livre, il a un manzoum al poésie dans le Qawaid al-Fiqhiyya. Il l'a appelé نعم أصول الفقه وقواعده. Et ensuite il a fait le charh lui-même. تمام. Il a fait la poésie et il a fait l'explication de cette poésie-là. Dans laquelle il dit رحمه الله تعالى وكل مطلف فمضمون إذا لم يكن إتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير المالك. تمام. Dans ce vers-là, il a évoqué trois cas dans lesquels où la personne si jamais a déterré une chose, تمام, elle abîme une chose, elle n'aura pas à dédommager. Si jamais la personne lui a donné, celui qui détient ce bien-là, il lui a donné l'autorisation de détériorer cette chose-là. J'ai un portable, la personne-là, elle utilise son portable à mauvais escient. Il lui dit à son ami, prends mon portable et casse-le. Le fait qu'il lui a donné l'autorisation, on ne va pas dire à cette personne-là qui a abîmé un bien qui n'est pas le sien, qui doit dédommager. Pourquoi ? Parce qu'il a donné l'autorisation. Donc ça c'est un cas. À partir du moment où la personne qui possède ce bien-là te donne l'autorisation d'abîmer, détériorer cette chose-là, tu n'as pas à dédommager. Le deuxième cas, si jamais l'islam, si jamais l'islam t'autorise cela, c'est le cas de celui qui se fait agresser. On a pu voir à travers les adillah ou naham. Le troisième cas, en vérité il y a deux cas. J'ai dit trois cas, c'est deux cas plutôt. À partir du moment où celui qui possède le bien, t'as autorisé cela, ou alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a autorisé. Ok. Non, mais en vérité, il a évoqué trois cas, mais il y a un des cas qui rentre dans l'autre. Il a évoqué le cas lorsque la personne qui possède le bien repousse, ta mère te donne l'autorisation, lorsque l'islam te donne l'autorisation, ou bien lorsque tu as fait une chose, ta mère pour repousser une agression, qui a fait que tu as détérioré une autre chose, ta mère. La kinsa, ça rentre, kadalika, dans l'islam, que l'islam, il a autorisé cela. Car là, il dit, فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَعْتَدُ عَلَيْهِ. Ta mère, ça rentre. En vérité, il a évoqué trois cas, en vérité, qui sont deux cas. Lorsque la personne qui possède le bien t'autorise, ou bien que l'islam t'autorise ces choses-là, ta mère. Donc voilà les causes par lesquelles la personne qui détériore une chose, il n'a pas à dédommager, ta mère. Lorsque l'islam, il autorise, ou bien que la personne qui possède ce bien-là, kadalika, ta mère, il lui autorise de détériorer ces choses-là, ta mère. Donc dans deux cas, en vérité. Ensuite, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a un kitab kadalika dans Qawa'id, qui fait partie des meilleurs kutub dans cette matière-là, Qawa'id ibn Rajab, qui est plus connu sur Qawa'id, sous le titre de Qawa'id ibn Rajab, dans lequel il nous a évoqué, rahimahullah ta'ala, qu'il y a une différence à faire entre celui qui détériore une chose afin de repousser un mal, et celui qui détériore une chose afin d'en profiter, afin que ça lui revienne comme profit. Ils ont cité comme exemple pour cela la personne qui se trouve dans un cas de daroura, tamam. Il est dans un cas de nécessité, tamam. Si jamais il voit, mettons, dans une prairie, tamam. Il voit, il rentre dans une prairie et il voit, il trouve, comment ça s'appelle, des poules et la khiri, ou bien, une chèvre, tamam. Un mouton et la khiri, tamam. Si jamais il ne tue pas ce mouton-là, il mange de sa viande-là, il va mourir, tamam. Il va mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce mouton-là, il le tue, il le mange. Et ce mouton-là, il appartient à quelqu'un d'autre. Cette personne-là, c'est ma'rouf. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a interdit de profiter d'un bien d'une autre personne que si jamais il te donne l'autorisation. Cette personne-là, il n'a pas demandé l'autorisation, là, il se trouvait dans un cas où, si jamais il ne le faisait pas, il allait mourir. Il n'a pas de péché, comme on a pu le voir. Là, est-ce qu'il doit dédommager cette personne-là, à qui il a pris ce mouton-là, afin de repousser son cas extrême? Naham, il doit lui rembourser. T'as même pourquoi? Parce que là, c'est un cas dans lequel il a dédommagé une chose. T'as même, il a plutôt. C'est un cas dans lequel il a détérioré une chose, laquine, pour un profit qui lui revient à lui. T'as même, donc, il y a une différence à faire entre détériorer une chose pour repousser un mal et détériorer une chose afin que ce soit un profit pour toi. Si jamais tu en profites, t'as même, tu dois dédommager cette personne-là, même si jamais tu te trouves dans un cas d'alouara, c'est pas pour autant que tu dois t'adonner au bien des gens, parce qu'il y a un dalil qui prouve que tu n'as pas le droit, excepté si jamais la personne qui possède ce bien-là t'a autorisé. Mais là, c'est pas le cas, il a pris sans autorisation. Kada des cas, ils ont évoqué pour cela, yani c'est ma'rouf, yani al-haram, dans le haram, c'est-à-dire à Mecca, t'as pas le droit de chasser la khiri. La personne kada des cas, elle se trouve dans un cas où il a besoin de manger, s'il ne fait pas, il va mourir, et il a khiri. Il a Mecca, il voit un gibier passer. Il le tue afin de repousser cette nécessité-là. Katalika, il doit dédommager ce qu'il a détérioré, même si jamais il l'a fait pour en profiter, pour ne pas mourir. La kin, comme on a pu le voir, lorsque tu dégrades une chose, pour en profiter, tu dois dédommager. Différence entre cela et cela. Et la preuve qui nous prouve cela, قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو به نعم فمن كان مريضا أو به أذم أو أذم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous fait part que celui qui est dans le hajj et qui est malade ou bien qui a un adha, tamam, il trouve une nuisance, tamam, dans ses cheveux, tamam, les poux et la khiri. Si jamais c'est le cas, parce que tu n'as pas le droit, tamam, tu n'as pas le droit de couper tes cheveux quand tu es en état de ihram, en état de ihram, umara ou bien hajj. Tu n'as pas le droit de couper tes cheveux. Lakin, si jamais tu le fais pour repousser un mal afin d'en profiter, c'est-à-dire, مثلاً, comme ça a été évoqué par rapport au hadith de Ka'b ibn Ujra, qui, lorsqu'il avait fait le hajj, il avait dans ses cheveux, il y en a beaucoup de poux qui. Il trouvait une nuisance dans cela. Un Nabi Sussalam, il l'a autorisé. Il lui a autorisé de couper ses cheveux et ensuite il a dit tu dois donner en compensation de cela une chose, c'est-à-dire, sadaqatin, siyamin, ou nafaqatin, ou nusuk, une de ces trois choses-là. C'est-à-dire que là, il a déterrer une chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Même on n'a pas évoqué au début, at-talaf, c'est-à-dire déterrer une chose dans l'islam, c'est une chose que l'islam il a interdit que tu détériores. Ça c'est at-talaf. La chose que tu ne dois pas abîmer, ou plutôt l'arme que tu ne dois pas abîmer dans l'islam, c'est celle qu'on t'a interdit de faire. T'as interdit de faire et tu le fais. Ça, c'est at-talaf. T'as même se couper les cheveux pendant le hajj. T'as même si jamais tu le fais, c'est compté comme at-talaf. C'est-à-dire que tu as détérioré une chose dans le sens où on t'a commis un interdit. T'as même tu as fait disparaître une chose que l'islam t'a interdit. T'as même donc dans ce cas-là, lui, il l'a fait afin de repousser ce mal-là, c'est-à-dire afin d'en profiter, de se sentir mieux. T'as même de se sentir mieux. Et Nabi Sallam, il lui a autorisé cela, lakin, il a dit en compensation de cela, tu dois ramener une chose, tamam. Donc ça, c'est les choses, les hadiths, là, qui nous montrent la différence, tamam, la différence qu'il y a entre le fait de, détériorer une chose pour repousser un mal et le fait de le faire, lakin, pour profiter d'un bien. Tamam. Donc il y a une différence entre les deux, comme l'a évoqué, wa alaykoum salam, comme l'a évoqué, al-imam ibn Rajab, alayhi rahmatullah, fi kitabihi qawa'id ibn Rajab. Donc ça c'est en résumé, yani, le معنى de ce bait là, lorsqu'il dit le mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa mutlifu mu'dhi laysa yadmanu ba'da ad-difa' billati hiya ahsan. On poursuit inchallah. Qala le mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa al tufidu al-kull fi al-'umum fi al-jam' wa al-ifrad kal-'alim. Le mu'allif rahimahullah ta'ala nous fait part dans ce bait là que il y a certaines lettres, certains mots dans la langue arabe qui ont des sens. Et il nous fait part, yani, de certains de ces mots-là et certaines de ces lettres-là. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala nous fait part que El, c'est-à-dire Alif et le Lam, on dit El. Comme Min, on ne dit pas Mim wa Nun. On dit Min el-Harf, tu le prononces yani, comme tu l'entends et tu ne le prononces pas yani, par chacune de ces lettres. Lorsque tu veux dire Min, tu ne dis pas le Mim et le Nun, tu dis Min. Kazalika, El, ça c'est un khilaf qui est entre Ahlul Basra ou Ahlul Kufa. Est-ce que tu dis El ou bien Alif Lam? As-Sahir, ce que tu dis El. Pourquoi? Parce que c'est une lettre. Et la lettre, tu la prononces comme tu l'entends et tu ne la prononces pas. Elle n'est pas chacune de ces particules-là. T'as même. Donc El, il nous dit que c'est un harf qui indique dans la langue arabe la globalité. Lorsqu'elle rentre dans un mot, t'as même, il nous dit Wal El, tufidul kul fil umumi. C'est-à-dire kul, il y a ni la totalité. L'intégralité d'une chose, tamam. Fil jam' wal ifrad kal 'alim. Il nous dit lorsque elle y rentre dans le pluriel ou bien dans le singulier, tamam, il apporte comme sens à ce mot-là la globalité, tamam. C'est-à-dire que ça englobe toute la globalité de ce mot-là. Mathalan, al insan, tamam. Si jamais tu rentres al insan, le al dans insan, ça nous montre que quoi? C'est tous les hommes, tamam. C'est tous les hommes. Et le meilleur dabit, parce qu'on va, celui qui a étudié un peu la langue arabe et surtout al mutamimma, il va voir que elle, tamam, il a plusieurs catégories. T'as l'istighlaqiyya, t'as l'hudouriyya, tamam, ila akhirihi, t'as l'jinsiyya, tamam, t'as l'ahdiyya, t'en as plusieurs, tamam, t'en as plusieurs. Laquelle on va pas rentrer dans les détails pour ne pas leur dire le dars. Le moyen, le dabit, la norme par laquelle tu peux reconnaître le elle, celui qui importe comme sens la globalité, prends-le et remplace-le par cool, tamam, par cool. Cool, ça veut dire la totalité. Maintenant, si je dis al insan, ou plutôt on va prendre la parole d'Allah Azza wa Jal, wal asr, innal insan la fi khusr. Al insan, est-ce que al huna dans insan, il indique la globalité? Naam. Remplace-le par cool. Si jamais tu vois que la phrase tastaqim, c'est-à-dire que al, il avait le sens de cool. Innal insan la fi khusr. C'est comme si jamais tu disais kullu insan la fi khusr. Yani la totalité des gens, ils sont dans la perdition. T'as. Si jamais tu veux reconnaître le L qui a pour sens la globalité, t'as, la totalité, tu remplaces L par cool. T'as. Si jamais tu vois que le sens yani, il est là, ça veut dire que L huna, c'était bimarnaesh, la globalité. T'as. Parce qu'il y a d'autres L qui n'indiquent pas ce sens-là. Mathalan, El yom akmaltu lakum dinakum. Est-ce que c'est cool la yom là yani, c'était un jour bien précis, yom al-jum'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. N'aura pas achevé la religion. Donc, une norme pour reconnaître ce L qui indique la globalité, tu le remplaces par cool. Et ce L qui apporte le sens de la globalité, il est connu dans la langue arabe par, on l'appelle al-istighraqiyya. C'est-à-dire que celui qui englobe yani, la totalité du sens dans lequel il est rentré. Al-insan, il rentre dans insan, c'est-à-dire qu'il apporte la totalité, la globalité du sens du mot dans lequel il est rentrer. قال كذلك في الجمع. تمام في الجمع كذلك ici il rentre elle et que tu peux le remplacer par كل. تمام ou bien par un autre ضابط جميعا يعني tout terme qui apporte le sens de la globalité et ben c'est le elle qui apporte ce sens là. تمام مثلا قوله سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. Elle dans mu'minun. Toubou ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bon, on fait cette ayat-là, parce qu'il y a jami'an. On va prendre une autre ayat dans laquelle il n'y a pas un sens qui apporte la vérité. Il avait évoqué des exemples, al-mu'allif. Laissez-moi les retrouver. Naam. Mathalan, qu'allou subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal nas, antumul fuqara ilallah. Dans cette ayat-là, il est dit, vous êtes les nécessiteux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fuqara huna, c'est le jama', t'am. Le singulier de al-fuqara, c'est le faqir. Wa jam'uhu al-fuqara. Donc al-fuqara, هنا, il a alif wa lam. Ya yuhan al-nas, antum al-fuqara. Quel est le sens de al, هنا? Remplace-le par kul. Ou bien remplace-le par un sens qui apporte la globalité, mathalan jami'an. Ya yuhan al-nas, antum al-fuqara, ila Allahi jami'an. Naam. Yani yastaqim al-ma'na. Fa'idhan al, هنا, c'est du ma'na aish, al-istighraqiyya, yani qui apporte le sens de la globalité. C'est-à-dire que lorsque ce terme-là, il rentre dans un mot, tu ne peux pas tirer t'as même une partie de ce mot-là. Mathalan, innal insana lafi khusr. Si jamais on avait que cette ayah-là, il est supposé que si jamais elle s'arrêtait à innal insana lafi khusr, il n'est pas permis après cela à une personne de venir et de prétendre qu'il y a certaines personnes parmi la communauté qui ne sont pas dans la perdition. Si jamais vraiment la ayah, on va dire comme cela, on va supposer qu'elle serait finie au premier verset. Innal insan la fi khusr. Khalas. Il n'y a pas une chose qui est venue et qui a montré l'exception. Innal insan la fi khusr. La totalité des gens sont tous dans la perdition. Une personne vient et prétend. Là, il y a ni certaines de personnes, ils ne sont pas dans la perdition. On lui dit, c'est pas possible ce que tu racontes. Pourquoi? Parce que elle, yani, il a pour sens la globalité. À moins que tu aies un dalil qui prouve qu'il y a des exceptions. Et le dalil, c'est ce qui vient après. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. C'est-à-dire que la faïda que tu prends dans les mots qui ont le sens de la globalité, tu dois le laisser comme il est, comme on a pu le voir avec la qaïda, baqa, makan ala makan. À partir du moment où tu connais le statut d'une chose, tu laisses telle qu'elle. À partir du moment où tu n'as rien qui vient dévier tamam, le sens ou bien le jugement que comporte tamam, ce mot-là. Tamam. Donc, ça c'est pour montrer la cohérence qu'il y a entre les qawaid. À partir du moment où un mot tamam, il est instauré sur un sens tamam, bien particulier, il ne t'est pas permis de dévier de ce sens-là, que ce soit une globalité, une exception à la khiri, que si jamais tu as un dalil qui prouve cela. Tamam. Ou sinon, tu dois rester sur le sens de cette chose-là. Tamam. Il a dit là, il a dit là, il a dit là, subhanahu wa ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Al insan huna, est-ce que yani, c'est voulu la totalité ou pas? Elle, il est rentré dedans, tu peux le remplacer par kul. Inna kulla insan khuliqa halu'a. Ça, le sens, il est bon. Il subhanahu wa ta'ala, innal insan ya rabbihi la kanud. Il a dit, les exemples sont nombreux. Donc, elle a dit, huwa al-istighraqiyya, qui a pour sens d'apporter le sens de la totalité, la globalité, lorsqu'il rentre dans un singulier ou bien dans un pluriel, il va apporter comme sens la globalité. Ça, c'est la ma'na de ce bait-là. Et elle a dit qu'elle halim. En fait, il a fait ishara. Il veut nous dire que les noms d'Allah, azawajal, lorsque elle y rentre dans les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils importent, kadalika, la globalité du sens de ce mot-là. Mathalan, Al-Halim, ma'na zalika, c'est celui qui connaît toute chose. Al-Halim, il est rentré dans le nom d'Allah Azzawajal qui est Halim. Là, c'est pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il ignore aucune chose. Il a la science de toute chose. Al-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde, yani, qui est globale. Al-Ghani, c'est celui qui est le riche. Al-Ali, il a khirihi, yani, parmi les noms d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que l'attribut qui en découle de ce nom-là, tu dois l'appliquer dans la totalité des sens termes qui lui sont appropriés. كذلك dans les noms d'Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله تعالى والناكرة في السياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذلك il nous fait part d'un contexte dans lequel tu vas connaître yani le sens de la globalité. Il nous dit النكرات, c'est-à-dire le mot qui est indéfini. Le mot qui est indéfini, Dans la langue arabe, lorsqu'il est évoqué dans un contexte, dans une phrase qui est négative, il nous dit « Kazalika », ça va apporter quoi ? Le sens de la globalité. Le sens de la globalité. Maintenant, je dis « La tukrim mudriman ». N'honore aucun criminel. La tukrim mudriman. Huna mudriman, c'est un mot qui est quoi ? Qui est indéfini. Qui est indéfini dans la langue arabe. C'est ma'rouf. Il est évoqué dans un contexte, dans une phrase qui est négative. Parce que j'ai dit quoi ? La tukrim. La, c'est une négation. Le fait que je dis la tukrim mudriman, c'est-à-dire tout criminel que tu connais, tout criminel, tu ne dois pas l'honorer. Pourquoi ? Parce que j'ai dit la. C'est une négation. Et ensuite, j'ai employé un indéfini qui est mudrim. L'indéfini, lorsqu'il est dans un contexte de la négation, dans une phrase négative, il devient am. Il englobe la totalité du mot qui est employé après. C'est-à-dire que la personne vient, tu lui dis la tukrim mudriman, n'honore aucun criminel et il va pour honorer un criminel parmi les criminels. Il n'aura pas exécuté ma parole, il n'aura pas exécuté mon ordre. كَذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ سِيَقِ النَّهِي كَذَلِكَ يعني la négation ou bien dans une phrase يعني qui a pour sens يعني l'interdiction. Tu interdis une chose et tu emploies un mot qui est indéfini. كَذَلِكَ ce mot qui est indéfini, le fait qu'il se trouve dans ce contexte-là, dans cette phrase qui est dans l'interdiction, et bien ça va كَذَلِكَ donner le sens de la globalité du mot qui est indéfini. C'est-à-dire que tu ne veux pas que ce mot qui est indéfini, le jugement du matanan, on va dire, au début on avait dit la tukrim. La négation, en fait j'avais donné, pour le premier j'ai utilisé, lorsque j'ai dit la tukrim, matanan mujriman, ça c'est l'interdiction. Parce que j'ai dit la tukrim. Vous allez voir, Inch'Allah, à travers la langue arabe, à partir de comment on fait pour différencier une phrase qui l'interdit d'une phrase négative. Là j'ai dit la tukrim, yani le majzoum, c'est-à-dire l'ansukun à la fin. La tukrim mujriman. Là j'ai utilisé l'interdiction. Et employer un mot qui est indéfini, l'indéfini dans le contexte, dans une phrase qui est qui a pour sens l'interdit, il devient global. Maintenant, je dis ma tukrimu, ma tukrimu mujriman. Là, c'est une phrase qui est négative. C'est une phrase qui est négative. Pourquoi j'ai utilisé les mots pour cela? Donc après, ça c'est un autre dars. Comment tu connais le défini plutôt l'interdiction de la phrase négative, ça c'est Inch'Allah dans les kutub de la grammaire. Ça c'est juste afin que vous connaissez. Ça vous permet, Kataleka, aussi de comprendre comment ils déduisent les ulama. Si te dis, mathalan, j'ai déduit la globalité d'un jugement à partir de. Parce que j'ai vu dans cette ayah, ou bien ce hadith, qu'il y avait un mot qui était indéfini dans un contexte de la négation ou bien de l'interdiction. Tu vas comprendre, pourquoi il a jugé de la globalité dans son jugement. Parce que il a les choses qui lui permettent d'y aller cela. Donc ça te permet de comprendre les ulama. Les ulama, dans leur manière de déduire et de juger. Même si jamais, tu ne peux pas, toi, appliquer directement. Il faut prendre dans chaque matière afin d'être complet. قال رحمه الله تعالى كذاك من وما تفيدني معا كل العموم يا أخي فاسمعا. Il dit, رحمه الله تعالى كذلك, parmi les sens et les mots qui apportent une globalité dans la langue arabe, men wama, tam, ou men wama. Il nous dit que ces deux mots-là, lorsqu'ils sont utilisés, ils ont pour sens la globalité, ils ont pour sens la globalité. Men, c'est ma'rouf, tu peux l'utiliser comme ismu istifham il akhirihi, c'est un mot qui est utilisé pour al-alim. Et dans les tomes de Médine, certains ils font une khata. Ils disent men, c'est quoi? Lil-aqil, pour celui qui est doué de raison. Il dit « ma », c'est celui qui est utilisé pour celui qui n'est pas doué de raison. Il est dans les kutub de Médine, lorsqu'il dit « ma hadha »,« man hadha ». Lorsqu'ils vont pour donner la définition, ils disent « man lil-aqil ». Ça, c'est faux. C'est faux de dire ça, « man lil-aqil ». Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour lui « man ».« Kul man rabbu samawati wa ard ». « Kul man rabbu samawati wa ard ». « Kul man rabbu samawati wa ard ». Donc là, il utilise « man » pour Allah azawajal. Est-ce qu'on peut dire man huna lil aqil? Là, pourquoi? Parce que on n'a pas de dalil qui nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est caractérisé par la sifat du aql. Nous dans le bab des sifat, dans les attributs, les noms et les attributs, tu n'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala et kadhalika tu ne lui attribues pas des choses que si jamais tu as un dalil. Si jamais tu n'as pas de dalil, tu dis Allahu a'lam. Tu dis cette sifat là Je ne connais pas de dalil qui prouve qu'elle est attribuée et que ni kazalika Allah subhanahu wa ta'ala il se l'est refuté. Donc il faut un dalil. C'est pour cela que c'est mieux d'utiliser ici, tu dis al-alim man huna, tu dis l'alim. Pourquoi? Parce qu'Allah azawajal, il a comme attribut et comme nom al-alim et comme sifat al-ilm. Donc as-sahih, lorsque tu veux donner la définition de man, tu dis man lil-alim. Lil-alim. Ismu istifham lil-alim. Ou bien comme ça peut être évoqué, ismu shar, et katalika, il peut être utilisé comme ismu mousoul. Yani ça, vous le verrez, inshallah, dans les kutub de grammaire. Et ma, c'est utilisé pourquoi? Li-ghayri al-alim. Ou katalika, ça peut être utilisé pourquoi? Al-alim. Dans le hadith, parce que lorsque tu dis ma, mathalan, tu dis ma hada, pour une chose qui n'est pas douée de raison. Ma hada, si tu dis hada jidar, c'est un mur. Certains disent que tu ne peux pas utiliser man pour ceux qui sont doués de science. Et lakin, ce n'est pas sahih. As-sahih, c'est que ma kathalika, tu peux l'utiliser pour celui qui est doué de science. Le hadith qui prouve cela, hadith Abr ibn Abasa, lorsqu'il est venu voir le prophète, il a dit man nabi. Il a dit man anta. Il a dit anan nabi. Kala man nabi. Man nabi. Il a utilisé ma pour une chose qui est quoi? Douée de science. Yani, il a dit man nabi. C'est quoi le prophète? C'est qui le prophète? Man nabi, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué. L'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce hadith-là, il dit que ma, tu peux l'utiliser pour celui qui est quoi? Doué de science. Doué de science, et pour celui qui n'est pas doué de science. Lakin, ce qui est plus utilisé, c'est que tu utilises man pour celui qui est doué de raison, pour celui qui est doué de science, et que tu utilises ma pour celui qui n'est pas doué de science. Lakin, tu peux l'utiliser kazalika pour celui qui est doué de science dans certains cas. Pour revenir, men ou ma, kazalika, ce sont des mots dans la langue arabe qui apportent le sens de la globalité. Qui apportent le sens de la globalité. Mathalan, si je dis la tukrim man tara, la tukrim man tara. Est-ce que ma phrase a là le sens de la globalité? Naam. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé men dans un contexte de la quoi? De comment s'appelle la négation? La tukrim man tara. C'est-à-dire que toute personne que tu vois, tu l'honores pas. Tu l'honores pas. J'aurais plutôt dire un autre exemple. Donc ces deux termes-là, ils ont pour sens la globalité. قال رحمه الله تعالى ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت رشدا ما يضاف. Indique ذلك parmi les sens et les mots qui ont comme pour sens la globalité. Tamam. Il nous dit le mot, c'est-à-dire le mufrad, le singulier lorsqu'il est annexé. Tamam. Le mudaf ou mudafilé, pour ceux qui ont étudié un peu dans la grammaire arabe. Tamam. Le mudaf et le mudafilé. Il nous dit Cheikh رحمه الله تعالى lorsque le mudaf, tamam, il est singulier et qu'il est annexé à une autre chose, il nous dit, rahimahullah ta'ala, que ça va apporter le sens de la globalité. Et min bab al-fa'ida, qawlu subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, tam, bismillahir rahmanir rahim, tam, le ba, ma'ruf haf, jar, wa ism, yani ismu majrur, tam, ismu majrur, il est mudaf, wa ladhul jalala, Allah, mudafun ilayhim, bismillahir rahmanir rahim, tam. Ism, il est mudaf, et l'offre de Jalala Allah, il est mudafun ilay. Ism, c'est un mot qui est mufrad, c'est singulier, singulier. Parce que je n'ai pas dit asma. Le pluriel de ism, c'est asma, et je n'ai pas dit asma, j'ai dit ism. Donc c'est un singulier. Ce singulier-là, il est annexé à une autre chose. Il est mudaf, il est ghayrihi, qui est l'offre de Jalala. Donc là, si on suit la qaïda, lorsqu'on dit bismillahir rahmanir rahim, c'est-à-dire que je commence mon œuvre que je fais en évoquant tous les noms d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la faïda. Pourquoi? Parce que ism, c'est un singulier qui est annexé à une autre chose. Le singulier, lorsqu'il est annexé à une autre chose, il a pour sens la globalité. C'est comme si jamais tu disais, yani, astaghinu billah, natiqan bi kulli ismihi. Je prends l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que j'entreprends, en prononçant tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels Allah Azzawajal, il est qualifié. Donc, kazalika, c'est mimbab de la globalité. Lorsque le singulier il est annexé à une autre chose, il a pour sens la globalité. Et inshallah, on va se contenter de cela. On aurait voulu continuer, lakin, à cause des. Au début, on a eu des problèmes techniques, même, qui nous ont gravement retardés. Donc, inshallah, on va se contenter de ces vers-là. Donc, on va récapituler, inshallah, ce qu'on a pu prendre. On a pu voir que celui qui détériore une chose, pour repousser un mal, il n'a pas. Il n'a pas à dédommager le mal qu'il a détériorer. Amma, si jamais il repousse, Tami détériore une chose pour en profiter, Tami, on peut, comme on a pu le voir avec la qaïda de Ibn Rajab, et Adilla qui prouve cela, il doit dédommager la chose qu'il a détériorée et abîmée. Et on a pu voir ensuite, Yanni, les mots et les lettres qui, dans la langue arabe, ont pour sens la globalité. Tami, on a pu voir elle, Tam al-istighraqiyya, lorsqu'elle rentre dans le singulier et dans le pluriel. On a pu voir le mot indéfini lorsqu'il est évoqué dans un contexte, dans une phrase négative, ou bien dans une phrase dans laquelle il y a un interdit. Et kadhalika men wa ma, on a pu voir que men, c'est plus juste de dire lil alim, il ne faut pas dire lil aqil, car ça peut être employé pour Allah Azza wa Jal. Le fait que tu dis aqil, c'est comme si jamais tu attribues à Allah Azza wa Jal qu'il est caractérisé par la raison. Et on n'a pas de dalil qui prouve cela. Et ma, on a pu voir que c'est lil ghayri alim, pour celui qui n'est pas qualifié de science, ou bien kadhalika, de raison. Et on a pu voir que tu peux l'utiliser pour cela et pour cela. Le plus qui a été utilisé, c'est pour celui qui n'est pas doué de science et de raison, et tu peux l'utiliser pour celui qui est doué de science, comme c'est le cas du hadith Man Nabi. Et kadhalika, parmi les choses qu'il a évoquées, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, le singulier, lorsqu'il est annexé à un autre, kadhalika, il a pour sens la globalité. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir à travers les vers qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Donc Inch'Allah, on se contente de cela. S'il y a des questions, Inch'Allah, ou sinon, Inch'Allah, dans un prochain cours. Subhanaka wa bihamdika. Ma'a tahiyyati dammaj.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin. La tarkan ilayhim, haula'i tha'abi.